Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone d'Annie Veilleux. Ben, on voit une nouvelle d'importance qui n'est pas encore confirmée, on pourrait dire qu'elle est en développement. On va parler comme si c'était au conditionnel. Semble-t-il que le président du hockey mineur de Dobomsissini, Danny Lavoie, aurait démissionné de son poste de président et ce serait David Lamontagne qui aurait pris sa place. On va tenter d'en savoir davantage dans les prochaines heures, sinon dans les prochaines semaines, car à compter de la semaine prochaine, pour une semaine, danradiosport.com fera relâche en raison de petites vacances. Parlons maintenant qu'hier, dans la section entrevue de danradiosport.com, on a parlé avec l'instructeur-chef des Marquis de Jonquière, Richard Martin, car on sait que les Marquis possèdent un joueur de natif de Boumsini dans leur alignement. Il s'agit de Simon Tremblay, qu'on a très bien connu avec les Saguenay-Lac-Saint-Jean et les Foreurs de Val-d'Or. Et Richard Martel explique que la situation n'est pas nécessairement facile en ce début de saison pour Simon Tremblay avec les Marquis, en raison qu'on possède et qu'il possède 23 joueurs et seulement 19 sont en alignement durant les parties. Présentement, ce qui est difficile, là, on a 23 joueurs, puis là, on commence l'année, donc. Ouais. T'sais, on peut pas, on joue à 19 joueurs. Là, c'est difficile un petit peu d'évaluer tout le monde durant la saison, mais durant le camp, Simon, il a été très bon. Okay. Puis je pense qu'il va falloir qu'il joue dans le futur. Là, on va regarder. Dans son cas, si on est capable de le faire jouer une fin de semaine sur deux ou une fin de semaine sur trois, si on n'est pas capable, on va être obligé de réajuster le tir puis de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il fasse une bonne année de hockey. Peut-être qu'on va le changer pour un an, ça peut arriver. Okay. Alors là, présentement, parce qu'il faut qu'il joue, ça va être un bon joueur ça, dans la ligue tantôt, puis jeune en plus. Alors, si on est capable de faire jouer dans les deux, trois prochaines années, ça va être très profitable pour les Marquis de Jonquière, en autant qu'on le rapatrie après. Oui, c'est un joueur que moi, de ce que Jean-Martel voit Simon Tremblay comme un joueur d'énergie dans la ligue nord-américaine de hockey. OK. Tu sais, dans le futur, mais comme je te dis, il faut qu'il joue. Parce que il a du caractère. Oh, oui, c'est un joueur. C'est un gars d'énergie. C'est, ouais. C'est un joueur qui a du caractère. C'est pas une question d'énergie. C'est un joueur qui, quand il fait patinoire, il se passe de quoi. Parlons également des Saguenay de Chicoutimi. Dans la section entrevue de danradiosport.com, hier, on a parlé avec Richard Letourneau. On sait qu'il y a environ une dizaine de jours, on a nommé un conseil d'administration au sein des Saguenay de Chicoutimi pour un petit peu... faire connaître un peu ou encore donner une saveur un peu plus régionale à l'équipe. Et Richard Letourneau nous explique pourquoi ça a été si long avec les Saguenay. Puis on avait pas mal tout ficelé notre entente avec la ville, mais vous savez, quand tu tombes dans une grosse organisation comme une ville comme la ville de Chicoutimi, de Saguenay, ben, tu te ramasses que de la mi-juin à quasiment la fin août, là, c'est la période de vacances. Donc, ouais. Quand c'est assez dur d'avoir tous les intervenants. Et c'est ce qui a fait que tout a retardé. Maintenant, pour ce qui est des choix, ben effectivement, moi... Et il nous parle du choix de Jean-Pierre Senneville comme représentant du Haut-du-Lac-Saint-Jean au sein du conseil d'administration des Saguenay. Là, c'est parce que pour nous autres, on trouvait que c'était drôlement important qu'on ait du monde du lac. Oui. Maintenant, pourquoi Jean-Pierre Senneville? Oui. Ben effectivement, comme vous l'avez dit tantôt, M. Senneville est un passionné de hockey. Puis nous, ben, dans les critères qu'on avait, parce qu'effectivement, écoutez, j'avais eu au-dessus, moi, de 40 personnes qui avaient demandé à être sous le conseil. Puis naturellement, ben on a quand même commencé par se mettre des critères. Le premier critère qu'on voulait, c'était quelqu'un qui avait de la passion. Deuxièmement, ben, effectivement, c'était quelqu'un aussi qui était impliqué dans son milieu, qui avait des bons contacts, puis qu'en même temps, ben, qui serait capable de nous aider au niveau de la recherche de commandite et autres. Puis, effectivement... Parlons des Saguenay, Julio Biglia devrait rencontrer aujourd'hui le spécialiste. On sait que Julio Biglia a un malaise depuis le début de la saison qui l'inconforte et qui l'empêche de prendre part à plusieurs rencontres. Depuis le début de la saison, il n'a joué qu'un seul match. Et évidemment, du côté des Sags, on espère que son verdict sera rapide. Parce qu'évidemment, on aimerait en savoir davantage et pour la suite des choses dans le cas de Julio Biglia. Et hier, dans la Ligue régionale de basketball senior, victoire de la Voie-Maltée qui ont battu Allemand 60-57 pour la Voie-Maltée, 10 points pour Pascal Simard, Et également, Kevin Bouchard a réussi également 10 points dans la partie pour Alma, c'est-à-dire Pascal Sima a marqué 13 points. J'invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, on a parlé avec l'instructeur-chef des ambassadeurs de Chicogamo, Michael Godreau. Également, je me suis entretenu aussi avec l'instructeur-chef des Marquis de Jonquière, Richard Martel, le président-gouverneur des Saguenay de Chicoutimi, Richard Letourneau. Et c'est le retour d'Alexandre Gauthier qui vient nous parler un peu du début de saison dans la Ligue nationale de football. Sport local et régional, à DanRadioSport.com, on s'en occupe.